Blaise Maimon a porté monnaie magique. Freddy Mokonzi à Irlande. Joyce Moussoupa, l'architecte. Hervé Maketa. Charles Chite Namofunuba Jobour. Moya Tomata Lingana Pongi. Namiso Bolingo Elalisa Kinga Nalipanda. Nyosopo Balobaki Naye. Ma bébé n'a comme on a un hasard innocent. Pour vous qui sont pas, papi qui sont bien prêts. Comme on a passé, pour la nini au côté de la tête, moi mon nina, pour yo, Azali, ça c'est Adolphe Moutebaye. Maître Fabrice Miyebe. Baya n'a la gana maele, kasi soke, pour les me contrôler. Yangaï, morale, vu paï. Blanchard Londolé. Afrique est mon aîné, jamais coco canana polino, oyo pesa kangai. Yabona pesa ki yo motema nangai, jere. Soki yo bébé singana, bébé yo pongisina bongi. Esa l'avantage nangai na yo bijou ou vangoué. Fabrice Mbemba Alta Moda. Motema nanga, epana yo. Na sala li sou nini, ma kanisi esele na na bongo. Banguna balesio nini Kojodola Bokusa na masoto la kanaki Ngaina yo pona coronavirus Fan Club Abidjan Mohamed Sissé Ariel Thiro Amiral Leferre Koulibaly Eti Mon ami Malik Soumaoro Asta Pink Lady Sabidjan Abba Champion Mokonzi Olivier Lukanda Jean-Marie Molato Abidjan Major Tekana Luanda, Ali Badini Abidjan, Mokhtar Diaby, Christo Abusua. Chila mwinaba konana kamoto boyete, namalo baba kizate, pesa ya tatangwa se defendre. Kovo masola, pourquoi basobo yangaye, situation nazwaki, jugement par défaut. Ma belle Christelle Bomania Sekula Papi Sapo, chef de ville Maître Israël Matoné Daniela Iyaba Plaidoirie Prodomo Nasa plaide Prodomo Pona poiva vokaba Sambele langali kambo ya intime Na e compétence Yaba souci Yaba la bala Na soulevé Juridiction incompétente Si si malamba Yvette Mbia Sanoti Corone ye makasi Jamais koko kanana polingo Oyo pesa kangai Yangona pesa ki yo motema nangai Jere Sokyo baby singana Baby obongi sinabongi Eza l'avantage ngai na yo Dejeri tabola Sadir ba corona oyo tovandika na bandako Soi to sali boete moyete yo Le boss Abed Achour Raouf Teo Zambrota Cédric de Tokyo Xavier Lopez Pute be sourire ya mounange Salaki loko la moana bébé Mabotisika Double Toto Tochibula Oh, quel fils incroyé César Achouti Ya Jojo Mandiki Mapata Jean-Jacques Edouemé Maître Christian Ankara Oye bisanga soki polingo esilie Na songa nanga boka baboti bangayo Mwana moto salielo koteo Oh, sina yo talia tesi mate Na mwane betu elengi mina zuzwe pongite Mokito kwa mwase utaka sina motema Santa mwanza ganga matoyi trois fois carré Bobo Saniba, bien fait à Salomon Escadela Docteur José Saïra hey, hey, hey, hey. Trésor Pembele Talasi Mazonga Moto Bernard Moindo Yanadeje Alita Chamalae Talasi Mazonga Moto Lasconi Mbunza David Mangaya Yafanie Talasi Mazonga Moto Loti Ebala Honorable Patrick Bologna Maître Guy Luando, Maître Bienvenu Faso, Omanda Poupoué, Chouke Lomboto Bokula Kaya Dadam Babana. Je m'inscris en faux. Niko Kail. Nabakisation n'y a pas porté contre Ngaï. Signore Mungu. Sur basé à ma songe. Et Zali est fondé. Papi Flash. Pas calomnié, pas désordre. Et t'as la coco kati Maman Mouilou Nasina me sana na mi lilelo nasina misala na basha honorable dede mon passa asu mon kana kole lisa ya ya asu mon kana kole lisa mai asu mon kana kole lisa mai sala nganyo so elingi motema na yo Mathieu Bichirera na ba corona oyo tala sima songa moto fils edumwe anda mutebae tala sima songa moto papi masita masitol anda chila mwinae tala sima songa moto fanya star bolingwa moto pasie natali sima na songi moto pole katalai edg ansas tala sima songa moto Serge Doudou Kamalanwe Tala sima songa moto Ya Jean-Claude Songo Ramazani Palsleriye Tala sima songa moto Le vieux Didas Pembe Sambodo Tala sima songa moto Edo Musamba Eric la tortue Naomi la perle rare C'est le scrum poutine.